Chapitre 6e. Madame Murray avait fait voir, dès le premier jour, qu'elle entendait établir la position du précepteur dans la maison sur le pied de l'égalité la plus complète. En outre, elle l'avait présenté à tous ses amis, qui ne manquaient pas, de leur côté, de lui faire un accueil gracieux. Il y avait là un juge de Melbourne, avec sa femme et ses filles. Celles-ci venaient de faire leur éducation en Europe. Il y avait le commandant d'un beau navire de guerre que Mme Murray avait invité pour qu'il pût passer quelques jours auprès de sa fiancée, jolie australienne, qu'elle gardait souvent à ses côtés. Il y avait un squatteur de Queensland et sa femme, le squatteur colon d'ancienne date, qui portait au front les cicatrices que lui avaient laissées les lances des aborigènes, sa femme qui savait également bien écrire un article pour les revues et dompter les chevaux ombrageux. Mme Murray logeait tout ce monde chez elle, et Arthur fut frappé de la grâce qu'elle mettait à remplir ses devoirs d'hôtesse. Elle ne l'avait vue en ville qu'en costume de matin. Ce soir-là, elle portait une robe de soie d'un bleu pâle, dont le corsage entrouvert laissait deviner sa belle gorge. Toute sa parure se composait de fleurs naturelles. Qu'elle ouvrit la bouche pour parler, qu'elle eut le rire aux lèvres ou le regard sérieux, Arthur la trouvait dans toutes ses poses la femme la plus charmante qu'il pût imaginer. La grâce semblait émaner de son être. Il ne pouvait comprendre que tout le monde n'en fût point amoureux comme lui, et il commençait à craindre que l'émotion qu'il ressentait ne se trahît dans sa voix, à défaut de ses yeux. Cependant, de temps en temps, elle laissait échapper un geste, un mot d'autorité, et Arthur comprit que la femme du monde était doublée d'une autocrate. Y avait-il un homme capable de subjuguer cette impérieuse, de faire naître dans ses yeux de souveraine un regard troublé? Il en doutait fort. Mais en même temps, la porte du salon s'ouvrit, et M. le curé de l'église anglicane fit son entrée en s'excusant d'être un peu en retard. En effet, on l'attendait pour aller dîner. Arthur avait bien pressenti que ce curé serait sa bête noire. Mme Murray avait fait asseoir celui-ci à sa gauche, et quand il récita la prière avant que l'on servît le potage, elle baissa dévotement les yeux et dit amen avec une grande ferveur. Le curé était encore jeune, gras et fleuri, bel homme. Il avait les traits assez fins, et les femmes, en remarquant son grand front blanc et plat, se laissaient persuader de la profondeur de son intelligence, mais ses lèvres épaisses, sa nuque de taureau, accusaient une nature animale. Comme tous les curés, il avait la voix mielleuse. On servit des morues de la rivière Murrumbidgee, des canards et un dindon sauvage, des vol-au-vent surmontés de homards, du kangourou en curry et une foule de plats européens. Le sommelier avait garde de ne servir que des vins australiens. Pour ceux qui ne goûtaient pas les sherries et les hocks du pays, il y avait du champagne et du bordeaux de France. Le cristal de l'argent reluisait sur la nappe satinée, et les belles fleurs dont la table était encombrée étaient disposées avec un goût exquis.